السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. Donc ceci est le quatrième et dernier cours de cette série sur l'explication de hadith qui attendrissent les cœurs, tiré de Kitab al-Riqaq, de l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous accorde la réussite. Donc le hadith suivant est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna nabiy Allah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul yuja'u bil kafir yawm al qiyamah fayuqalu lah ara'aita law kana laka mil al ard dhahaba akunta taftadi bih fayaqul na'am fayuqalu lah D'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mécréant sera amené au jour de la résurrection et il lui sera dit: vois-tu, si tu avais l'équivalent de la terre en or, l'aurais-tu utilisé pour t'affranchir? Il répondra: oui. Il lui sera alors dit: il t'avait été demandé ce qui est bien plus simple que cela. Ce hadith prouve que le mécréant, au jour de la résurrection, lorsqu'il verra ce qui l'attend comme châtiment éternel, il sera prêt à tout pour se libérer de cela et même de dépenser l'équivalent de la terre en or. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre, il l'offrirait comme rançon pour échapper au pire châtiment le jour de la résurrection. Ainsi, le mécréant sera prêt à tout pour s'affranchir du châtiment, mais il ne le pourra pas. Et il lui sera dit: pourtant, il t'avait été demandé ce qui est bien plus simple que cela, c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer. Ceci prouve donc qu'il ne faut pas se faire tromper par la vie mondaine, car elle n'aura aucune valeur au jour de la résurrection. Le croyant se doit donc de faire des efforts dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans ce qui rapproche de lui, et de ne pas se faire tromper par les biens et les désirs de la vie mondaine. Ensuite, le hadith suivant est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam an Adi ibn Hatim qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allah yawm al-qiyamah ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يدي فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. D'après Adi ibn Hatim, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas un seul d'entre vous à qui Allah ne parlera au jour de la résurrection. Il n'y aura entre Allah et lui aucun interprète. Il regardera ensuite et ne verra rien en face de lui. Puis il regardera devant lui et ne verra que le feu qui lui fait face. Celui donc qui a la capacité de se protéger du feu, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date qu'il le fasse. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala parlera à chacun de ses serviteurs sans qu'il n'y ait entre eux aucun interprète et aucun intermédiaire. Ce jour-là, le serviteur n'aura ni allié, ni bien, ni enfant, ni personne pour l'aider, mais il n'aura que les œuvres qu'il a accomplies. Devant lui, il ne verra que le feu. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à se préserver du feu, et donc à accomplir les causes menant à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et écartant de sa colère. Et certes, parmi les plus grandes causes permettant d'être sauvé du feu, le fait d'être bienfaisant envers les créatures, et plus particulièrement en faisant des aumônes. Ce hadith indique également qu'il ne faut négliger aucune bonne action, ne serait-ce que de dépenser la moitié d'une date en aumône. Allahu a'lam. Ensuite, le hadith suivant est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. An ibn Umar radiallahu anhuma, an il nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal, yadkhulu ahlul jannati al janna, wa ahlul nar al nar, thumma yaqumu mu'adhdhinun baynahum, ya ahlal nar la maut, wa ya ahlal jannati la maut, khulud. D'après Ibn Umar, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens du paradis entreront au paradis, et les gens de l'enfer en enfer. Puis un crieur se lèvera entre eux et dira, ô gens du feu, il n'y aura pas de mort. Et ô gens du paradis, il n'y aura pas de mort, c'est pour l'éternité. Ce hadith prouve que les gens du paradis y demeureront éternellement, tout comme les mécréants demeureront éternellement en enfer. Il n'y aura pas de mort ni de faim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront « C'est bien cela qui nous a été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable. Ils auront là des épouses pures et ils y demeureront éternellement. » Et il a dit subhanahu wa ta'ala « وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ « La yuqadha alayhim fayamutu, wa la yukhaffafu anhum min azabiha, kadhalika najzi kulla kafur. » Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent, on ne leur allège rien de ces tourments. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. La vraie vie éternelle est donc celle de l'au-delà. Ainsi, il convient à la personne douée de raison de faire les bons choix et de ne pas accomplir d'actes menant au malheur éternel pour quelques plaisirs éphémères. Au contraire, elle se doit de faire des efforts dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala afin d'obtenir son agrément et de pouvoir jouir du bonheur éternel. Ensuite, le hadith suivant est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam an Abi Sa'id radiallahu anhu an il Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal inna fil janna La shajaratan yasiru ar-rakibu fi dhilliha 100 aam la yaqta'uha. D'après Abu Sa'id radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a un arbre au paradis, si un cavalier avançait dans son ombre durant 100 ans, il ne l'aurait pas traversé. Ce hadith prouve la très grande étendue du paradis, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Ce hadith indique également certains des innombrables bienfaits présents au paradis. Bienfait qu'aucun homme ne saura imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucune âme ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Il convient donc aux musulmans et à la personne douée de raison de se hâter vers les bonnes œuvres afin d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire partie des gens du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous le paradis. Ensuite, le hadith suivant est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam an al-Nu'man radiyallahu anhu qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ahwana ahli an-nar 'adaban yawm al-qiyamah la rajulun توضع في أخمص قدمي جمرة يغلي منها دماغه. D'après An-Nu'man radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, celui des gens du feu ayant le plus petit châtiment, est un homme sur qui une braise sera posée en dessous de ses pieds et qui lui fera bouillir son cerveau. Ce hadith indique que celui-ci sera l'homme le moins châtié en enfer, et que ce châtiment est le plus petit des châtiments de l'enfer. Et s'il en est ainsi, alors que dire des autres châtiments présents à l'enfer, ainsi que des autres gens du feu? Il convient donc aux musulmans de prendre conscience de cela et de faire toutes les causes pour se préserver ainsi que sa famille de ce châtiment douloureux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa qudahannasu wal hijara, 'alayha malaikatun ghilazun shidad, la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges, rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur a ordonné. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous préserve tous du feu de l'enfer. Ensuite, le hadith suivant est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la yadkhulu ahadun al-janna illa uriya maq'adahu min an-nar law asa liyazdada shukra wa la yadkhulu an-nar ahadun illa uriya maq'adahu min al-janna law ahsan liyakuna 'alayhi hasra. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Il n'y a pas une personne qui rentrera au paradis sans qu'on ne lui fasse montrer la place qu'il aurait eue au feu s'il avait été mauvais, et ce, afin qu'il soit encore plus reconnaissant. Il n'y a pas une personne qui rentrera en enfer sans qu'on lui fasse montrer sa place au paradis s'il avait été bienfaisant, et ce, afin que cela soit encore plus difficile pour lui. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que tous ceux qui rentreront au paradis verront la place qu'ils auraient eue en enfer s'ils n'avaient pas été bienfaisants. Et ce, afin que leur bonheur et leur joie au paradis soient encore plus grands, qu'ils soient encore plus reconnaissants et profitent encore plus des bienfaits qui leur ont été accordés. De même, tous ceux qui rentreront en enfer verront leur place au paradis s'ils avaient été bienfaisants. Et ce, afin que leur malheur et leur souffrance soient encore plus grandes et plus terribles. Wallahu musta'an. Ensuite, le hadith suivant est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam an Abdillah radiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inni la'a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhula rajulun yakhruju min an-nari kabwa فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقول ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. D'après Abdullah radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Certes, je connais la dernière personne qui sortira du feu et la dernière personne qui rentrera au paradis. C'est un homme qui sortira du feu en rampant. Allah lui dira alors: Va et entre au paradis. Il ira donc, mais il aura l'impression qu'il est rempli. Il retournera alors et dira: Ô Seigneur, je l'ai trouvé rempli. Il lui dira: Va et entre au paradis, et tu auras l'équivalent de ce bas monde et de 10 fois ce bas monde. Il dira alors: Te moques-tu de moi ou rigoles-tu sur moi alors que tu es le roi? Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rire jusqu'à ce que ses molaires apparaissent. Et il disait: Celui-ci est la personne du paradis ayant le plus bas degré. Ce hadith prouve l'immense miséricorde et l'immense grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, si le dernier homme a rentré au paradis et celui ayant le plus bas degré au paradis se verra offrir tous ses bienfaits, Alors, que dire de ceux qui auront les plus hauts degrés du paradis? Ce hadith indique également que certains croyants ayant commis des péchés moindres que le shirk et la mécréance seront châtiés en enfer afin d'être purifiés de leurs péchés. Mais après cela, ils rentreront au paradis et ne demeureront pas éternellement en enfer, au contraire des mécréants et des polythéistes. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a également informé que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna ce hadith, il se mit à rire jusqu'à ce que ses molaires apparaissent. Salawatullah wa salamu alayhi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa grâce et nous facilite les œuvres menant au paradis. Ensuite, le hadith suivant est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam an Abdillah ibn Amr radiallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam Hawdi masiratu shahr, ma'uhu abyadu min al-laban, وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. D'après Abdallah ibn Amr radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Mon bassin a une distance d'un mois, son eau est plus blanche que le lait, son odeur est plus parfumée que celle du musc, ses récipients sont au nombre des étoiles dans le ciel, celui qui en boit n'aura plus jamais soif après cela. Le Hawd, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un grand bassin d'eau dans lequel les croyants boiront au jour de la résurrection. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a accordée à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de l'honorer et c'est une miséricorde pour lui et sa communauté. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc mentionné certaines caractéristiques de ce bassin. Il a mentionné sallallahu alayhi wa sallam son immense grandeur, ainsi que la blancheur de son eau et son odeur qui sera encore meilleure que celle du musc, qui est certes l'un des meilleurs parfums. Il a également mentionné sallallahu alayhi wa sallam le grand nombre de ses récipients, ce qui prouve le grand nombre de personnes qui en profiteront. Et ce, car la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la plus grande des communautés. Il est également rapporté que l'eau de ce bassin provient du fleuve du Kawthar, qui est un fleuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète au paradis, comme il a dit Jalla wa ala, Inna a'tayna kal Kawthar, nous t'avons certes accordé le Kawthar. Il est également rapporté dans l'authentique de Muslim que ses récipients seront en or et en argent, et que celui qui boit de celui-ci n'aura plus jamais soif, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de boire de ce bassin. Il est certes très miséricordieux. Ensuite, le hadith suivant, qui est le dernier de cette série, et le dernier mentionné par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans Kitab al-Riqaq, est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, an Asma'a binti Abi Bakr, radiallahu anhuma, qalat, qala al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, inni ala al-hawd, hatta anzura man yaridu alayya minkum, wa sayu'khadhu nasun duni, فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. D'après Asma, fille de Abu Bakr, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Je serai devant le bassin afin d'attendre ceux qui vont me rejoindre parmi vous. Certains seront alors pris avant d'arriver à moi. Je dirai donc: Ô Seigneur, ils sont avec moi et font partie de ma communauté. Il me sera dit, sais-tu ce qu'ils ont accompli après toi? Ils n'ont cessé de revenir sur leurs pas. Ce hadith indique que ceux de la communauté qui auront le bonheur de boire dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux étant restés fermes sur la religion et n'ayant rien changé ou modifié à celle-ci, comme cela a été rapporté dans une autre version. Ce hadith et les hadiths similaires sont donc une mise en garde contre le fait de délaisser la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'innover dans sa religion. En effet, celui qui aime vraiment Allah se doit de suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit Jalla wa ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Ainsi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Suivez donc ma sunna ainsi que celle des califes bien guidés et prenez garde aux choses nouvelles dans la religion car toute innovation est un égarement. Celui donc qui souhaite boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et être sauvé se doit de s'accrocher à sa sunna, de l'étudier afin de pouvoir l'appliquer et de s'écarter de toute innovation religieuse, que ce soit dans la croyance, dans les paroles ou dans les actes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'étude de la sunna et nous aide à la mettre en application. Ainsi se termine le quatrième et dernier cours de cette série d'explications concises de hadiths qui attendrissent les cœurs, tirés du chapitre Ar-Riqaq dans l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rende profitable et qu'il nous guide vers tout ce qu'il aime et qu'il agrée. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد